Chapitre 31e. Flavien s'était trompé en croyant que Madame d'Alifar, après le refus qu'il lui avait opposé, s'était retournée vers Lucius. Lucius n'était pas l'homme qu'il fallait pour réunir ses preuves. Sans doute, avec ses habitudes d'espionnage, il pourrait mieux qu'un autre suivre Juliette adroitement sans être remarqué par elle, savoir dans quelle maison elle allait et qui elle rencontrait dans cette maison. Mais pour cela, il faudrait qu'il fût libre. Et il ne l'était pas. Retenu à la caisse, il ne pourrait pas, comme Flavien, sous un prétexte quelconque ou même sans prétexte, sortir quand Juliette sortirait. Cette liberté, il ne l'avait que le soir, et ce n'était pas de la soirée que Madame d'Alifar se défiait, c'était de la journée, des heures pendant lesquelles Juliette sortait seule. C'était pendant ces heures que Juliette devait voir Erol. Où et comment, Madame d'Alifar n'en savait rien, mais elle était convaincue que ces rendez-vous avaient lieu. Serait-elle donc arrêtée par un simple défaut de constatation matérielle, et avec de l'argent, beaucoup d'argent, ne pourrait-elle pas obtenir cette constatation? Ce besoin de preuve était devenu chez elle une véritable manie qui jour et nuit l'obsédait, elle en rêvait. Après son entretien avec M. Descloiseau, elle s'était maintes fois adressée au vieux beau pour tâcher d'avoir par lui quelques indices qui la guidassent. Mais M. Descloiseau s'était tout d'abord enfermé dans une réserve qu'elle n'avait pas pu vaincre. « Nous avons obtenu l'essentiel, » disait-il. « Monsieur Erol, chassé de votre maison, le danger est conjuré. Mais s'il se rencontre ailleurs, qui peut vous faire supposer cela ?»« Ce n'est pas chez moi une supposition, c'est une certitude. Vous avez des preuves ?»« Non, mais j'ai la conviction que ces preuves existent et qu'il n'y aurait qu'à les chercher pour les trouver. » « Je ne pense pas comme vous. Je crois que, rencontrant des obstacles, ils ont cessé de se voir. Une véritable passion pourrait seule expliquer des rendez-vous au dehors, et je n'admets pas cette passion. Chez qui, la voyez-vous? Chez le peintre? Les hommes comme lui ont autre chose à faire que de perdre leur temps dans les mille difficultés d'un amour contrarié. Cela est bon pour un oisif, et il ne l'est pas. Chez votre belle-fille, je ne l'en crois pas capable. C'est une personne froide qui ne fera jamais de folie. Elle a pu prendre un certain plaisir à jouer au sentiment, alors que cette comédie se passait chez elle, mais s'exposer à des ennuis, à des dangers, je vous répète que je ne le crois pas. » Plusieurs fois, aiguillonnée par son idée, elle était revenue à la charge, mais les réponses de M. Descloiseau avaient été toujours les mêmes. Ne voulant pas rompre entièrement avec Juliette, malgré l'accueil plein de mépris que celle-ci lui faisait, et espérant toujours qu'une occasion se présenterait pour lui de mettre son plan à exécution, il ne pouvait pas s'allier ostensiblement à Madame d'Alifar. Mais, après l'incident de la voiture de place qui lui avait paru devoir amener Juliette dans ses mains, et qui, en fin de compte, avait tourné à sa confusion, il n'avait plus eu de ménagement à garder. Jamais, ni par l'intimidation, ni par l'habileté, ni par la surprise, il ne pourrait triompher de Juliette. Il ne lui restait donc qu'à se venger d'elle, et quand il se vengeait, il n'était pas scrupuleux sur les moyens qu'il employait. Tous lui étaient bons. Juliette, par ses refus et plus encore par son dédain, l'avait profondément blessé. Il voulait une vengeance qui la fit cruellement souffrir dans sa fierté. Le dimanche suivant, en arrivant à Nogent, il raconta à Madame d'Alifar cet incident de la voiture. « Vous voyez si j'avais tort ?» s'écria Madame d'Alifar, et si mes soupçons étaient fondés. J'avoue que j'étais un niais, et que votre perspicacité était beaucoup plus sûre que la mienne. Mais je ne pouvais pas croire Madame Juliette capable de commettre une pareille imprudence, car je persiste à ne vouloir admettre que l'imprudence. C'est là qu'est la niaiserie, mon cher monsieur Descloiseau. Pour admettre la faute, il faudrait que je la visse de mes propres yeux, et comme je ne la verrai jamais, je ne la croirai jamais. Et pourquoi ne la verrez-vous jamais? Il me semble qu'il doit y avoir des moyens pour surprendre une femme qui trompe son mari. S'il le faut, je m'adresserai à la police. Je ne reculerai devant rien. La police ne vous écoutera pas. Elle a autre chose à faire qu'à s'occuper des femmes qui prennent la route la plus longue quand elles sortent. Si elle avait à organiser cette surveillance, elle n'y suffirait pas. Je saurais faire agir des influences toutes puissantes. Toutes les influences ne serviraient à rien. Il n'y a qu'un moyen de mettre la police en mouvement dans ces circonstances. Lequel? Vous n'en voudriez pas, et Adolphe ne l'accepterait jamais. Il faudrait qu'il déposât une plainte en adultère pour que la police constatât le flagrant délit. Madame d'Alifard avait eu un moment d'espérance, mais elle comprit que ce moyen était impraticable. Son fils déposait une plainte contre sa femme. Il ne fallait pas songer à cela une seconde. Si la police ne peut pas organiser ses surveillances, continua M. Descloiseau après un silence assez long, il y a, dit-on, des gens qui, dans un intérêt particulier et moyennant argent, remplacent la police. Vous en connaissez ? Non, mais j'en ai entendu parler. Et il y a quelque temps, j'ai reçu la circulaire d'un de ces industriels. Vous avez cette circulaire ? Non, c'est-à-dire, pour être moins affirmatif, que je l'ai peut-être, mais je n'en sais rien. Elle peut avoir été jetée comme elle peut avoir été gardée, c'est à vérifier. Rendez-moi le service de faire dès demain cette vérification, et si vous trouvez la circulaire, envoyez-la moi. Est-ce que vous voudriez recourir au ministère d'un de ces gens ? Sans doute. Je ne vous y engage pas. Bien que je ne connaisse pas ce genre d'industrie, il me semble qu'il n'inspire pas la confiance. Non seulement on est exposé à perdre son argent sans obtenir un résultat, mais encore on court un danger plus sérieux. Quel danger ? Celui de se compromettre. Il faut en effet se livrer, donner son nom, entrer dans des renseignements plus ou moins graves. Et cela peut avoir des inconvénients terribles pour la famille. Encore, je ne dis rien de la honte qu'on doit éprouver à faire sa confession à ces gens-là qui, je me le figure, ne doivent pas sortir de la diplomatie pour adopter ce métier. Envoyez-moi toujours cette circulaire, dit Madame d'Alifard. Et pour le cas où vous ne la trouveriez pas chez vous, tâchez, je vous prie, de vous en procurer une autre. Je ne dis pas qu'elle me servira à quelque chose, mais je ne dis pas non plus qu'elle ne me servira pas. Je suis tellement indigné de la conduite de ma belle-fille que je suis décidé à faire cesser ce scandale coûte que coûte. Pensez à votre fils. C'est à lui que je pense, mon pauvre enfant. Et c'est lui qui a voulu ce mariage. Ah, comme j'avais raison de m'y opposer. Il est vrai que si vous obtenez ces preuves, vous pourrez le rompre. Le hasard permit que M. Descloiseau n'eût pas égaré cette circulaire, et le lendemain, Mme d'Alifard l'a reçue par la poste. Elle était dans une enveloppe, sans un seul mot d'envoi, et l'adresse de cette enveloppe n'était pas de la main de M. Descloiseau. Trouvant une lettre autographiée, Mme d'Alifard fut pour l'acheter au panier, et elle la tenait déjà au bout du bras, quand les mots « sécurité »,« incognito », »,« renseignements intimes » frappèrent ses yeux. Ce devait être la circulaire de M. Descloiseau. Elle l'ouvrit alors vivement et la lut. « Monsieur, je viens d'ouvrir, sous le titre d'agence des familles, une maison qui doit rendre les plus grands services à la société, en assurant le triomphe de la morale publique et en permettant à ceux que cela intéresse de faire un bon mariage ou d'en rompre un mauvais. En s'adressant à notre agence, une personne qui désire se marier peut obtenir tous les renseignements utiles pour assurer son mariage, de même qu'une personne déjà mariée peut obtenir tous ceux qui peuvent contrebalancer les erreurs d'un mauvais choix. L'intuition absolue de la chose unie à une discrétion extraordinaire nous a déjà rendus dignes de l'estime de toutes les classes de la société sans exception. Et le temps n'est pas loin où il ne se conclura pas un mariage et où il ne se prononcera pas une séparation de corps sans qu'on ait eu recours à notre ministère toujours caché. Nous organisons des surveillances particulières nocturnes et diurnes, citadines et villageoises, qui permettent de savoir ce qu'on soupçonne ou même de concevoir des soupçons qu'on n'avait pas. Ces soupçons éveillés, nous nous attachons à les vérifier et nous mettons aux mains de nos clients des preuves certaines qui peuvent déterminer le jugement des tribunaux. Espérant que vous ferez bon accueil à la présente, nous vous mettons à même de juger de l'opportunité des services que vous pouvez réclamer de nous. Nous serons toujours à votre disposition. Paiement des honoraires après le succès. Max Profit, fondateur de l'agence des familles, rue Feydeau. 5 minutes après avoir lu cette circulaire, Madame d'Alifard partait pour Paris.